Mystère. Et si on profitait du Festival of d'Avignon 2018 pour rencontrer les artistes d'outre-mer? Pour le troisième témoignage dédié aux préparatifs du festival à la Chapelle du Verbe Incarné, je vous propose de rencontrer Séverine Nativelle, l'administratrice générale du lieu. Elle en est à son 11e festival et pourtant, elle y trouve toujours autant de richesses et ne se lasse pas de cette belle aventure culturelle et humaine. Le poste officiel, on va dire, c'est administratrice. Après, une fois qu'on a dit ça, quand on est sur un festival, ça ne veut plus dire grand-chose. On passe d'un chef cuisinier à serveur, à déménageur. Quand on arrive dans cette bâtisse au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, il faut tout remettre de toute façon au clair, à jour, au propre. Donc on est femme de ménage, on est administrateur, on est un peu psychologue des fois parce que c'est beaucoup beaucoup de choses pour toutes les équipes. Et puis après surtout voilà, on fait partie d'une équipe et ça pour moi c'est assez important, c'est que c'est une équipe. Enfin tout seul, de toute façon on n'est pas grand-chose et les équipes c'est très très important pour justement ouvrir et démarrer le lieu. On est entre des sacs de presse à faire, des dossiers de presse, accueillir les compagnies, leur expliquer comment fonctionne le festival, comment fonctionne le lieu, les règles de sécurité, les règles de fonctionnement de vie, les règles de fonctionnement de machine à laver. Puis aussi, on présente les équipes qui vont vivre ensemble pendant un mois. Et ça, c'est un moment clé, la préparation. C'est aussi pour ça qu'on cuisine ensemble pour la conférence de presse. C'est des moments où on peut partager des choses, des recettes, et aussi apprendre à se découvrir, puisque encore une fois, les équipes ne se connaissent pas du tout. Nous, on reçoit énormément de candidatures pour chaque festival. Et puis, on se dit, ce serait intéressant d'avoir, en plus des qualités professionnelles, des gens qui ont tel ou tel parcours de voyage, d'origine, de territoire, d'expérience, d'âge. Et avec ce patchwork-là, on est à peu près entre 60 et 80 à circuler entre les compagnies, les administrateurs de compagnies, les techniciens, etc. Et il faut arriver à faire tourner tout ça et rouler dans le bon sens pour qu'il n'y ait pas de grains de sable. Sur le début du festival, il y a toujours des choses un peu loufoques et toujours un peu rigolotes parce que justement, les gens ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas le lieu. Donc c'est un dédale d'escalier, les gens finissent toujours par se retrouver quelque part d'inattendu ou sur le plateau. Alors bon, quand il n'y a pas de répétition ça va, mais ça peut être surprenant d'atterrir sur le plateau. On a chaque année un grand tableau qui est accroché dans le hall, qui se détache tous les ans, qui finit par tomber. Cette année il n'est pas tombé encore, donc ça c'est plutôt pas mal. Chaque festival est à la fois pareil et différent puisque les gens sont différents et c'est eux qui construisent les aventures humaines. Donc chaque aventure humaine, c'est chaque voyage en fait. C'est la diversité, oui, c'est fondamental dans ce lieu parce qu'il est là pour porter ça. Alors le mot diversité, pour moi, c'est pas forcément un mot très intéressant puisque je trouve que... La pluralité et la richesse, c'est justement de venir de partout. C'est pas une diversité, c'est juste comme ça. C'est juste des territoires qui se rassemblent. Avec des histoires différentes dans chaque chemin, mais finalement, quand on regarde la programmation, c'est certainement pas de manière hasardeuse complètement, mais on voit bien qu'il y a du lien, des questions en rapport aussi avec le monde qui nous agite aujourd'hui, des écritures contemporaines. Donc il y a un théâtre en fait vivant et en mouvement. Et chantant. Donc oui, c'est riche, c'est riche d'histoire, de territoire et puis d'histoire, d'identité, je dirais, que les gens ont envie de porter et à la fois commune, puisqu'on a beaucoup de contes, de mythes de tous ces territoires et qui se croisent et qui sont sur des questionnements de femmes, de société, de contemporanéité, de notre histoire commune française. Voilà, après, c'est toujours aussi plein de bonne humeur et plein de sourires, et puis beaucoup de pleurs à la fin, mais de tristesse de se quitter. Et ça, c'est comme ça tous les ans. C'est toujours une aventure différente, mais toujours très très riche. Esther Luette. Esther Luette. Esther